7h, 9h, votre réveil matin, c'est tranquille. Hola, tout juste 7h, bon dia la planeta et la familia. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il va faire beau, du soleil. Et ça va durer toute la semaine, jusqu'à au moins mardi prochain. Alors aujourd'hui, pas de nuages, quasiment pas. Vous allez pouvoir bronzer sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite un très bon petit déj pour ceux qui viennent d'arriver. Courage à vous si vous êtes déjà au boulot. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont déjà au boulot là depuis 6h, depuis 5h. Il y en a qui ont fait la nuit, qui rentrent du travail et qui nous souhaitent une bonne nuit. Salut aux agents de sécurité qui rentrent, aux pompiers, aux policiers qui étaient de garde, aux infirmières. Et j'en passe. Hein. Vous voulez nous appeler ce matin 02 38 43 48 00. Si vous voulez gagner des matchs, des places pour le match, c'est mercredi au stade de la Source, Guadeloupe, Cap Vert. Un grand match à ne pas rater. Et bien Radio Arc-en-Ciel vous offre des places. Vous m'appelez 02 38 43 48 00 et mercredi 20h, Guadeloupe Cap Vert, c'est pour vous. Bandi à la planète, en direct, c'est Francky dans la radio, jusqu'à 9h. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Chaque soir, je ne fais que songer avant d'aller me coucher. Pour moi, les ennuis commencent. Dans le lit, je danse seul face à mes pensées. Un peu de peur et de peine, c'est toujours la même rengaine. Je suis seul face à ces silences. Quand les idées s'élancent, m'empêchent d'avancer. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Et je ne peux combattre mes démons, fort au-delà du monde. Je ne sais pourquoi je me sens malheureux. Depuis je vais les yeux sur le monde, je n'arrive plus à les fermer la nuit. Toutes mes idées se confondent dans les neurones, dans la douce insomnie. Quand mes remords vagabondent au-delà de mon esprit, trop de questions qui abondent chaque seconde. Mon sommeil est insoumis. Fais qu'elles en aillent. Ces idées qui viennent me hanter la nuit. Fais qu'elles en aillent. Je suis guidé comme supplanté par l'ennui. Je n'arrive pas à dormir, n'ai envie de rien hormis pouvoir enfin me plonger, ne plus me ronger dans les bras de Morphée. L'heure tourne mais moi je ne peux toujours pas fermer les yeux. Même si je suis fatigué, mes pensées me hantent et me tiennent éveillé. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Et je ne peux combattre mes démons, fort au-delà du monde. Et je ne sais pourquoi je me sens malheureux. Puis je vais les yeux sur le monde, je n'arrive plus à les fermer la nuit. Toutes mes idées se confondent dans des neurones, dans la douce insomnie. Quand mes remords vagabondent au-delà de mon esprit, trop de questions qui abondent chaque seconde. Mon sommeil est insoumis. Fais qu'elles en aillent. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Listen, baby girl, you know me tired of the running. I wanna be the light to get the bright. It's a sunny, it's true, it's true. Secret place. Dime, querida mía, solo tú y yo, en en Francia y para toda la América Latina. De México hasta Colombia. ¡Baila, baila! Morenita, cuando llegas a mi lado, dime qué tengo que hacer. Siento los latidos de tu corazón y la suavidad de tu piel. Quiero tu cuerpo que me vuelve loco y no me puedo controlar. Estoy esperando de todo tu amor. Solo tienes que escuchar en la camita, encender un fuego y quemar en tus ojos. Tener placer hasta tocar el cielo. Nadie será tanta como yo. Mi mano en tu pelo, besa tu boquita, con la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme, solo mirarte hasta estimarita. Mi favorita, si no me quieres, dímelo. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía, mi amor. Es el momento de decirte que ya no puedo mirar las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita, cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Tired of the running, I wanna be the nuts. I promise it's a sun, it's true, it's true, it's true. Si no me quieres, dímelo. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía, mi amor. Es el momento de decirte que ya no puedo mirar las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita, cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Ciel, le meilleur des souvenirs avec G. Rodriguez qu'on est reçu à la radio, la Nueva Historia. Belle journée sous le soleil de la radio. La météo. La météo ce matin, ça caille un petit peu ce matin, 3-4 degrés, mais le soleil va faire son apparition et pour toute la journée. Ça, ça fait plaisir, hein. 17-18 degrés du côté d'Orléans, Feyologe, Pithiviers ou encore Montargis. Le soleil sera là et toute la semaine, donc profitez des terrasses hein, pour aller boire un petit canon, pourquoi pas, après le boulot. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, un peu de soleil, toujours sur la radio, avec le meilleur de la musique. Reganite, le son de Jimmy Cliff. Call, got to get my thing. Danseurs, hein, les années 80, ça nous manque, c'est vrai, avec le son de Jimmy Cliff. Red avec vous, Sam, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, 40 ans. Ben, bon anniversaire, Sam, sur Radio Arc-en-Ciel, 7h12. La piel subir al séptimo cielo. Ya sabes lo que quiero. Eres la que quiero. Déjame que te desnude. Quiero que seas mía. Sabes que eres mía. Lo sabes mía. Quiero sexo. Quiero sexo. On tombe à la lenteur quand on t'aperçoit. Perché sur tes talons, tes heures de pompe. Tu sais que dans le quartier, tout le monde te veut. Dans une telle matrix, la croisée, regardez, compliqué. Maman, si t'as connu nos fils, juste un mot, crois-moi, elle t'a déjà cerné. Cinda, tu vas là, sera à moi, ce sera mi amor. Dame lo que quiero, et la vie, ouais, me gusto. Quiero sexo, quiero sexo. On tombe à la lenteur quand on t'aperçoit. Perché sur tes talons, tes heures de pompe. Tu sais que dans le quartier, tout le monde te veut, mi amor. Quiero sexo. Si te dejas llevar por mí, volverás a decirme que sí. Vuelca tu cuerpo y suspiro por ti. Here we go, here we go, mami. Votre réveil matin, c'est Francky. Camaleón, mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. Más, más, más, más, más, más. Dame más. Y yo sin ti no aguanto más. Más, más, más. Si supiera lo que me dice, que no se imagina vivir sin ti, que no lo entiende y por qué te fuiste, castigado desde el día por ti. Hey baby, tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar ya más, tarde o temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más, más. Muere por tu amor. Tanto daño le está haciendo a mi corazón. Mamita, no lo puedes ocultar ya más. Tarde o temprano sé que te conquistaré. De nuevo porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más. Más, más, más, más. amor y lo intenta, olvidando la razón, olvidando la razón. Y sigue latiendo, por no morir lo intenta, y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más, más, más, más. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. Radio Conseil, 7h09, 7h22, avec des bons souvenirs 1984 et I Like Chopin, on adore Gazebo

7h28, Open Season avec Joseph Salvat. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, mercredi, au stade de l'USO, le match Guadeloupe-Cap-Vert. Eh, ça va être du très lourd, hein. Si vous voulez assister au match, eh ben, vous m'appelez tout de suite, là, 02 38 43 48 00. Et je vous envoie au match, c'est mercredi, à 20h, Guadeloupe-Cap-Vert, au stade de la Source. Le meilleur des souvenirs envers son club le matin, avec Alan Malouin, Silver Zoli. On vous souhaite une belle journée, un bon réveil, mardi, sous le soleil de la radio, parce qu'aujourd'hui, il va faire très beau. Eh ouais, on est bien là. Dans les clubs à l'époque, dans les années 80, avec Silver Pazzoli, Around My Dream, autour de nos rêves, c'est ce que ça veut dire, voilà. Et puis, bah, moi je suis triste parce que le dieu du reggaeton qui prend sa retraite, Daddy Yankee, 46 ans, a décidé d'arrêter le reggaeton. Alors, à savoir qu'il avait lancé quand même le reggaeton sur la planète, c'est en 2004 avec Gasoline. Hein. Il va sortir un album légendaire, comme il dit, avec les meilleurs morceaux réunis sur un seul single qui s'appellera Légende à lui. Il sortira dans 2 jours. Le roi, le dieu du reggaeton, pose sa retraite. Il a bien raison. 46 ans, plus de 25 ans de reggaeton pour lui. On lui salue aujourd'hui aussi. Daddy Yankee, Limbo. Massivo. Cintura, rodilla, al piso va y pasa el lindo. Lindo. Lindo está como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente. Con toda mi gente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Sub, sub. cintura, rodilla al piso, va y paso limbo. La noto en el ritmo, cintura, rodilla al piso, va y paso limbo. Esto está como pa rumbear, pa pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su Esto está como pa rumbear, pa bailarlo caliente, de cal y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo te vi bailando el himno. Neverita puesta en la esquina, y el par de bocinas, y todos llegaron por el ritmo. Porque la gente está como pa rumbear, pa pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Como pa rumbear, pa bailarlo caliente, de pal y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. I can't move.

maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós. La camisa negra, 7h50, belle journée à vous. Direction l'USO, c'est mercredi, il est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Raoul, c'est ça? C'est ça. Comment va bien, Raoul? Ça va, écoute. Tranquille. Avec le beau temps. Bah oui, il va faire beau aujourd'hui, hein. Tu vas pouvoir bronzer un petit peu. T'es au boulot, t'es dehors? Tu bosses dehors, toi, non? Ah non, je suis à l'intérieur, moi. Ah, pas de bol. En tout cas, t'as entendu que je faisais gagner des places pour le match de mercredi. C'est Guadeloupe, ouais. Cup Vert. Tu vas y aller avec qui? Bah, je vais aller avec mon père. On va faire un petit tour au stade de la Source. Et bah voilà, je te les envoie par mail, mon ami. T'as juste à les imprimer. T'arrives avec ça au stade et tu rentres. Voilà, c'est pas mal, hein? Eh ben c'est pas mal, je te remercie beaucoup mon Francky. Voilà, bah bonne journée à toi Raoul, hein. Merci toi aussi. Salut, bon courage. Salut. 0238 43 48 00 comme Raoul, gagnez vos places. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. matin à la radio avec Isabella. Toute la musique du soleil. Et aujourd'hui, il est au rendez-vous jusqu'à 17 degrés et pas un brin de nuage. Normalement, si je me trompe pas, par rapport à Météo France, Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Braye, encore Sarah en l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, et on démarre ce matin avec les béliers. Vous serez en mesure de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie. Les taureaux, ne vous fermez pas comme une huître fidèle à votre habitude si vous êtes troublé. Les gémeaux, les astres vous souriront aujourd'hui, alors profitez-en. Les cancers, si vous savez préserver votre intimité, ce devrait être une journée idéale. Les lions, ne trichez pas, la sincérité est nécessaire pour cibler les questions qui vous entourent. Les vierges, vos inquiétudes ne sont pas fondées, n'écoutez pas les autres. Et ça, c'est super important de ne pas écouter les autres. Les balances, si vous cherchez à tester l'amour de l'autre en le rendant jaloux, vous vous trompez aujourd'hui. Les scorpions, vous vous montrerez plus ouvert au dialogue, moins critique et moins critiqué surtout. Les sagittaires, vos envies de renouveau, de liberté se heurtent à vos dépendances affectives. Les capricornes, vous retrouverez un climat de complicité dans votre vie de couple. Alors, foncez les célibataires, peut-être l'amour va taper à votre porte de bureau, pourquoi pas ce matin. Les Verseaux, nul besoin de devenir l'ombre de son ombre, l'ombre de sa main ou l'ombre de son chien. Vous avez bien compris. Les Poissons, pour terminer, vous vous laissez emporter par la passion, votre conjoint enflamme votre vie en ce moment. Que du bon avec Kinvey qui arrive, petite Émilie, et puis on aura aussi Joe Cooker et Julia Doré. Petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, les yeux qu'on sorcelle, pour toute sa mère en était la prunelle. Ils ne pouvaient pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses bitons, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle est sur les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Depuis quelques temps, une nouvelle forme de violence se développe. Sur les réseaux sociaux, prennent différentes formes. Elles peuvent prendre la forme de châtiments corporels, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est à la violence plus psychologique. Dites Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées. Chez elle dénudée, ses camarades, tous ensemble. 1500, Kevin qui vient avec Petite Émilie. Bravo à Raoul qui a gagné ses places pour le match mercredi soir à 20h au stade de la Source. Ah ouais, la Guadeloupe face au Cap Vert. On est avec vous, le son des clubs qui marchent en ce moment. Voici Kongs sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Tu réveilles 7 heures de bonheur. Complet à l'eau salée sur tes lèvres. Je me vois déjà sur le bord de la plage là avec Julien Doré, hein, en train de se faire dorer la pilule au soleil avec Coucou Caline, le petit remix sympatoche. Aujourd'hui, c'est la sortie du guide Michelin, hein, pour découvrir les nouvelles étoiles ou alors ce qu'on a perdu aussi. On vous souhaite une bonne matinée, le meilleur des souvenirs. Et là, c'était un mauvais cadeau de Noël. Bah oui, il nous a quittés un 25 décembre. C'est George Michael et le slow planétaire, Callous Whispers. Belle journée et bon petit-déj.

parle pas comme la recette d'un braqueur. Ouais, ouais, Atikio, pas homme de soupe, mais homme de sous. Je fais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu du bois le Porsche. Je suis en dessous, je suis dans le zoo. Mais t'es la seule que je laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. En direct ce matin, on est avec Quentin au téléphone. Salut Quentin. Salut. Comment il va? Bien. Bien et toi? Ça va bosser aujourd'hui? Tu fais quoi dans la vie, Quentin? Moi, je travaille à rénovation habitat. Je suis ravaleur. Ah, ravaleur, ça c'est un sacré métier. Tu travailles où, dehors en ce moment? Ouais. Je travaille dehors en extérieur. Ouais, c'est pas facile. Hein. Avec le beau temps qui arrive, ça va être mieux. Ouais, avec le beau temps, ça va. Ouais, t'as vu aujourd'hui, il y a que du soleil aujourd'hui. Hein. C'est ça, il y a du soleil, il y a du beau temps. Bah voilà, c'est ça que c'est bon, hein, comme on dit. C'est ça. Ah, tu commences à quelle heure, Quentin? Bah moi, je commence à 7h30, je pars l'atelier. Ok, bon, on te souhaite une belle journée, mon Quentin. Hein? Merci à vous aussi, toujours à Arc-en-Ciel, et puis bah, bonjour aux collègues. Et... Voilà, on salue tout le monde, tous tes collègues de boulot. Pas de soucis. Ouais, salut Quentin, belle journée à toi, mon ami. Merci de même. Ciao. Ciao. Du son carré pour bien vous réveiller ce matin. We'll be right back. fuir les regards. À défaut de savoir. Te souviens-tu du pire? Des larmes sur la joue. Sans pouvoir retenir ce qu'on a vu partir. L'injustice, la justice, le dégoût, le dégoût. Que remplace un sourire quand on sait quoi dire. Oh, d'un peu de soi, d'un pas vers l'autre, c'est la seule voix qui s'éloigne. D'un avenir, les espoirs qui chavirent. Bien sûr, on s'est battu, on s'est battu. Bien sûr, on continue, mais à vous de nous suivre. Car c'est à vous, vous de vivre. Votre réveil matin, c'est Francky. Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer. Yeah. Ya no puedo creer, ya no puedo creer, baby. pena, por favor, entiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, tiempo. A mí hay tiempo, tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, tiempo. Baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Así como te gusta, baby. Le redet avec vous, c'est Francky dans la radio. On est ensemble jusqu'à 9h. Un peu de soleil aujourd'hui. Il va briller jusqu'à 15, 16, voire 17 du creux d'olivet. Et ça fait plaisir. Et ça pour toute la semaine. On est heureux de vous retrouver. Bon petit déj, bonne petite douche à tous. Courage pour le boulot. Voici Alex and Fido. Porque tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. Metiendo con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. Las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Del sol. Et si vous avez une piscine aujourd'hui, vous allez pouvoir en profiter un petit peu quand même, parce qu'il va faire très très beau, et ça pour toute la semaine et le week-end. Salut les Jojo, Joël mon ami, avec Olivier qui sont là. Et ce matin on sent bon, moi je trouve qu'on sent bon. J'ai mis du parfum,

les vois tous jalouser. Je suis très organisé, les petits chats m'y bouger. Je suis en MP tout l'été, le roro, j'ai pas fait de. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Life, ça veut dire la belle vie quoi, hein. Comme tout le monde en ce moment avec le soleil qui est bien là. Ça fait plaisir de vous retrouver. Gims, ouais, il est heureux avec Naps. Faut plus l'appeler Maître Gims, hein. C'est Gims maintenant, sinon ça va pas, ça va péter. Ça y est, Daddy Yankee qui prend sa retraite, ouais, le roi du reggaeton. Après 20 ans de reggaeton, son premier hit, vous l'avez connu, c'était Gasolina. Et bien à 47 ans, bientôt, il se met en retraite. D'ailleurs, il va le sortir dans 2 jours. Un album légendaire avec ses meilleurs morceaux réunis dessus. À ne pas rater, Daddy Yankee, ça y est, la retraite. Mais bon, on l'aimait bien à la radio. Il a continué à nous faire briller toutes les nuits. Voici Don Omar, son collègue, avec Soledad. Don Omar, belle journée, bon réveil. Pour ceux qui viennent de se réveiller, bah oui, il y en a qui ne travaillent pas aujourd'hui. C'est Greg, Grégoire, c'est quand? C'est quand tu passes, c'est quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse. C'est quand la douce de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives. C'est quand t'arrives et tu me dis allez viens, viens maintenant c'est le moment, dis-moi c'est quand. Contactez le 02 38 43 48 00. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00.